Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté la fabrique de serviettes de Pyongyang nouvellement construite. Il a été accompagné des cadres responsables du Comité central du parti. D'un air content, il a admiré le panorama de l'usine chic construite par les militants du parti et autres travailleurs des usines et entreprises de la ville de Pyongyang et de l'arrondissement de Ranglang. Il a dit que les bâtiments et l'environnement de l'usine sont propres et s'accordent bien avec le paysage de la capitale. Il a fait le tour de la salle d'échantillons, de l'atelier de taille, de l'atelier de couture, de l'atelier d'emballage, de la salle de vulgarisation des sciences et techniques, de la salle de commande intégrale, de la salle de préparation technique et de la salle de dessin pour s'informer en détail de l'état de construction et de production. Dans la salle d'échantillons, il a vu des serviettes pour élèves et étudiants des deux sexes et de tous cycles, et apprécié que l'usine a mis au point des serviettes de différentes formes et couleurs, conformes au goût et sens esthétique de nos enfants, avec le tissu et les matériaux auxiliaires de conception nationale. Tous les procédés de production, depuis la taille, la couture, l'impression jusqu'au finissage, étant impeccablement dotés des machines modernes de fabrication nationale, la coupeuse laser comprise, le dirigeant suprême a affirmé que 95% des machines sont nationalisées, que c'est un grand succès. La salle de préparation technique et la salle de dessin sont bien aménagées et établit bien le système de production intégrale conforme à la réalité de l'usine pour assurer suffisamment l'organisation de production et l'administration gestionnaire comme centre de production de serviettes. Le dépôt est plein de produits et le magasin plein des matières premières et matériaux tels que le tissu, la fermeture éclair et bande donnée par l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang et la fabrique de souvenirs du haut lieu révolutionnaire de Mangyongdae. La fabrication des machines et l'apprentissage technique pour ouvriers étant poussés simultanément avec la construction de l'usine permettent de procéder à la production juste après la fin des travaux de construction. Soulignant l'importance de la fabrique de serviettes de Pyongyang, il a avancé les tâches d'inventer la marque particulière, d'accorder de gros efforts à l'amélioration de la qualité pour faire des produits marchandises recherchées, de bien dessiner pour produire un grand éventail de serviettes de diverses couleurs et sortes, d'approfondir les recherches destinées à standardiser les serviettes en conformité avec les caractéristiques physiques et l'âge, de gérer rationnellement la salle des sciences et techniques, de bien entretenir les machines et d'autres. Et de continuer. Il y a peu de temps que l'usine est mise sur pied, mais elle donne déjà d'innombrables produits. Je suis très content de ce que l'usine construite par nous fournit à nos enfants et à notre peuple les serviettes fabriquées par nous-mêmes avec les matières premières et matériaux nationaux. Je me sens être dans un autre monde et je ne peux jamais oublier ce jour. Ce n'est pas facile de produire de nous-mêmes les uniformes, cahiers, manuels et jusque les serviettes pour fournir aux enfants. Bien que difficile, c'est une fierté. J'en suis très satisfait. Je vois devant mes yeux les enfants fréquenter les écoles ces serviettes chics sur le dos. Nous devons fabriquer de nos mains tout ce qui est nécessaire à nos enfants pour leur inspirer l'esprit patriotique authentique consistant à faire cas des nôtres. La fabrique de serviettes de Pyongyang est notre trésor, elle est excellente. Les cadres d'éducation, de production et de vie sont nettement distincts et aussi harmonieusement associés. Le dessin et la construction sont impeccables, ça me plaît beaucoup. J'envisage de fonder de telles usines dans toutes les provinces et la ville de Pyongyang est la première pour appliquer cette politique du parti. Ce faisant, le dirigeant suprême a apprécié haut le comité du parti pour la ville de Pyongyang qui engage énergiquement les masses dans la lutte d'application de l'idée et de la politique du parti en comprenant correctement le problème privilégié par le parti. Et de dire « La création comme la fabrique de serviettes de Pyongyang est due à la manière militante de travailler des permanents du comité du parti pour la ville de Pyongyang qui savent faire preuve de l'esprit militaire révolutionnaire et qui achèvent à tout prix au niveau suprême, à la tête des autres, tout ce que désire le parti. Les cadres de tous les secteurs et unités d'activité sont tenus d'être conscients de leur noble mission assignée devant le parti et la révolution pour conduire les masses en tête et contribuer efficacement à réaliser cette année un nouveau tournant dans l'amélioration de la vie du peuple. » L'ardeur du personnel de la fabrique de serviettes de Pyongyang engagée dans le combat de la nouvelle année est très haut. Ce disant, le maréchal Kim Jong-un a exprimé la certitude qu'il remplira sa mission de production de serviettes avec le cœur des parents des élèves et s'est fait photographier en souvenir avec lui.